Cinquième partie, chapitre 22e. Une réception en l'honneur des Blenker. Les Blenker. On déjeunait en famille. Mr. Welland déposa sa fourchette et jeta un regard inquiet du côté de sa femme. Celle-ci, ajustant son lorgnon d'or, lui avec une emphase ironique. Le professeur et Mrs. Emerson Sellerton prient Mr. et Mrs. Welland de leur faire le plaisir de venir, le 25 août à 3 heures précises, à la réunion du cercle des mercredis, pour rencontrer Mrs. et les Mrs. Blenker. « Mon Dieu !» soupira Mr. Welland, comme si une seconde lecture eût été nécessaire pour lui faire admettre une idée aussi grotesque. « Pauvre ami Sellerton, on ne sait jamais ce que son mari va inventer, » ajouta Mrs. Welland. « Peut-être qu'il vient de découvrir les Blenker. » Le professeur Emerson Sellerton était une épine au flanc de la société de Newport, une épine dont on ne pouvait se débarrasser parce qu'elle sortait d'une souche vénérable et vénérée. Son père était oncle de Sellerton Jackson, sa mère une Pennilow de Boston. Des deux côtés, la fortune et la situation sociale étaient excellentes. Rien n'avait obligé Emerson Sellerton à se faire archéologue, ni même professeur, ni à habiter Newport l'hiver au lieu d'avoir une maison à New York. Et s'il voulait briser avec la tradition, pourquoi épouser la pauvre amie d'Agonette, qui était en droit d'espérer mieux et qui avait assez de fortune personnelle pour s'offrir une voiture? Personne dans le milieu des Mingott ne pouvait comprendre pourquoi Amy Sellerton s'était si patiemment soumise aux excentricités d'un mari qui remplissait la maison d'hommes aux cheveux longs et de femmes aux cheveux courts et qui emmenait sa femme faire des fouilles dans le Yucatan au lieu d'aller à Paris ou en Italie. Mais ils s'étaient tous deux entêtés dans leur insolite manière de vivre, et quand, chaque année, ils donnaient leur morne garden party, il fallait bien que l'élégante colonie des falaises y fît acte de présence. « C'est étonnant, remarqua Mrs. Welland, qu'il n'ait pas choisi le jour des régates. Vous rappelez-vous qu'il y a 2 ans, ils ont eu une réception en l'honneur d'un noir, le jour du thé dansant des Mingott. Heureusement, cette fois, il n'y a pas le même jour d'autres réunions. Car il faut bien que nous allions chez eux, les uns ou les autres. » Mr. Welland eut un soupir. « 3 heures, c'est une heure impossible. Je dois être ici à 3h30 pour prendre mes gouttes. Inutile d'essayer le nouveau traitement de Bencombe si je ne le suis pas strictement. Et si je vous rejoins plus tard, je manquerai ma promenade. » Il déposa de nouveau sa fourchette et une ombre d'anxiété assombrit ses joues plissées de petites rides. « Il n'y a aucune raison pour que vous y alliez, mon ami, » répondit sa femme. « J'ai des cartes à mettre à l'autre bout de Bellevue Avenue, et j'irai chez cette pauvre amie. J'y resterai le temps nécessaire pour lui montrer que nous ne la négligeons pas. » Elle regarda en hésitant du côté de sa fille. « Et si Newland est pris, May pourrait sortir en voiture avec vous et essayer le nouveau harnais des Cobb ?» C'était un principe dans la famille Welland que tous les jours et toutes les heures devaient être occupés. La mélancolique pensée qu'il fallait bien tuer le temps hantait Mrs. Welland, comme le problème des chômeurs angoisse le philanthrope. « Je sortirai certainement avec papa. Je suis sûr que Newland trouvera à s'occuper, » dit May. C'était une constante souffrance pour Mrs. Welland que la répugnance d'Archer à faire d'avance le programme de ses journées. Quand le jour de la réception des Sellerton approcha, May ne fut rassurée que lorsque Archer parla de louer un buggy pour aller à Hara, près de Portsmouth, choisir un second cheval pour le couper. Cette idée était née dans son esprit le jour même où on avait parlé de l'invitation des Emerson Sellerton, mais il s'était gardé d'en rien dire. Il avait poussé la précaution jusqu'à louer par avance une paire de vieux trotteurs qui pouvaient encore faire leurs 18 000, et se levant de table avant les autres, il monta dans la légère voiture et partit. La journée était délicieuse. Au-dessus de la mer miroitante, un léger vent du nord faisait courir de petits nuages blancs dans un ciel outre-mer. Les rues étaient désertes. Archer traversa rapidement la ville et longea la plage qui s'étendait au-delà. Même en menant doucement ses chevaux, il arriverait au Hara avant 3 heures. Il aurait le temps d'examiner le cheval, de l'essayer même, et il jouirait ensuite de 4 heures de liberté. Il ne s'avouait pas qu'il désirait revoir Madame Olenska. Il croyait qu'elle profiterait probablement de l'occasion pour venir à Newport avec les Blenker voir sa grand-mère. Mais depuis qu'il l'avait aperçue dans le parc de Mrs. Mingott, il était tourmenté du désir de connaître l'endroit où elle vivait. Ce désir le poursuivait jour et nuit, indéfinissable, obsédant, comme l'idée fixe d'un malade qui veut manger d'une chose goûtée autrefois et depuis longtemps oubliée. Au-delà de cette idée, il ne voyait rien, ne savait où elle le mènerait. Il ne sentait aucun désir de parler à Madame Olenska, ni même d'entendre sa voix. Il voulait simplement emporter en lui la vision du ciel et de la mer qui l'encadrait. Alors le reste du monde lui paraîtrait peut-être moins vide. Arrivé au haras, il vit tout de suite que le cheval ne lui convenait pas. À 3 heures, il remonta dans le buggy et prit le chemin de traverse qui conduisait à Portsmouth. Le vent était tombé et une vapeur légère, suspendue au-dessus de l'horizon, attendait le retour de la marée pour s'étendre sur l'estuaire. Tout autour de lui, une lumière d'or inondait les champs et les bois. Il passa devant ces maisons de bois entourées de vergers, devant des prés et des bouquets de chênes rabougris, prit une route qui s'allongeait entre des haies bordées de ronces et de verges d'or, au bout de laquelle scintillait le bleu. À gauche se détachait sur un groupe de chênes et d'érables une longue maison délabrée qui portait encore des traces de peinture blanche. En face de la barrière se trouvait un de ces hangars de la Nouvelle-Angleterre destiné à abriter les machines agricoles du fermier et les attelages des visiteurs. Archer y attacha ses chevaux et se dirigea vers la maison. Il vit la petite pelouse négligée, le jardin de buis inculte, les dahlias et les buissons de roses roussies foisonnant autour d'un petit pavillon en treillage blanc. Un cupidon de bois, privé de son arc et de ses flèches, surmontait le pavillon et continuait désarmé à viser l'entrée du jardin. Archer s'appuya contre la barrière. Il ne voyait personne, aucun son ne venait des fenêtres ouvertes de la maison. Seul un vieux Terre-Neuve sommeillait devant la porte, gardien aussi inoffensif que le cupidon désarmé. Longtemps Archer resta là, imprégnant ses yeux de cette maison, de ce jardin, dont il subissait le charme somnolent. Enfin, il prit conscience de l'heure qui s'avançait. Allait-il déjà s'en retourner? Il restait là, indécis. Tout à coup, il éprouva le désir de voir l'intérieur de la maison, les chambres où vivait Helen. Si elle était absente, comme il le croyait, rien ne l'empêchait d'aller sonner à la porte. Il pouvait se nommer et demander la permission d'écrire un mot dans le salon. Puis il se ravisa et, traversant la pelouse, gagna le jardin. Dans le kiosque, il aperçut une ombrelle rose. Cette ombrelle l'attira comme un aimant. Ce ne pouvait être que celle d'Helen. Il entra dans le kiosque, ramassa l'ombrelle, et assis sur le banc boiteux, il porta à ses lèvres le joli manche sculpté. Tout à coup, il entendit un froufrou de jupe. Quelqu'un venait vers lui. « Mr. Archer !» s'écria une voix jeune et gaie. Levant les yeux, il vit devant lui la plus jeune et la plus plantureuse des demoiselles Blenker, les cheveux blonds en désordre, la robe chiffonnée. « Mon Dieu, d'où sortez-vous » s'écria-t-elle. « Je devais être profondément endormie dans le hamac. Ils sont tous à Newport. Avez-vous sonné ?» La confusion d'Archer égalait celle de la jeune fille. « J'allais sonner. J'ai poussé jusqu'ici dans l'espoir de trouver madame votre mère. Mais la maison m'a paru abandonnée et je me suis assis pour attendre. » Miss Blenker, secouant les vapeurs du sommeil, le regarda avec un intérêt croissant. « Oui, la maison est abandonnée. Maman n'est pas là, ni la marquise, ni personne autre que moi. Vous ne savez donc pas que le professeur et Mrs. Sillerton donnent une réception pour maman et pour nous toutes aujourd'hui ?»« J'ai la malchance de n'avoir pu y aller, j'ai mal à la gorge. » Et ça, c'est ennuyeux. « Naturellement, » ajouta-t-elle gaiement, « j'aurais été moins contrarié si j'avais su que vous deviez venir. » Les symptômes d'une coquetterie gauche se manifestaient en elle et Archer dit brusquement « Et Madame Olenska est-elle allée à Newport aussi ?» Miss Blenker le regarda avec surprise. « Madame Olenska, elle est partie ce matin, appelée par dépêche. » Et, avisant l'ombrelle rose, « Oh, mon ombrelle, je l'ai prêtée à cette sotte de Cathy qui l'aura laissée ici. Reprenant son ombrelle, elle ouvrit le dôme rose au-dessus de sa tête. « Oui, Ellen a été appelée hier. Elle veut que nous l'appelions Ellen. Elle a reçu un télégramme de Boston. Son absence doit durer 2 jours. J'adore la façon dont elle se coiffe. Et vous ?» jabota Miss Blenker. Archer la regardait sans la voir, sans rien voir que l'ombrelle ridicule ouverte sur cette grosse tête agitée. Après un moment, il hasarda. « Vous ne savez pas pourquoi Madame Olenska est allée à Boston ? J'espère qu'elle n'a pas reçu de mauvaises nouvelles. »« Je ne crois pas. Elle ne nous a pas dit ce que contenait la dépêche. Ravissante, cette Ellen, ne trouvez-vous pas ?» Archer songeait. Il songeait à la platitude de l'avenir qui l'attendait. Et au bout de cette perspective monotone, il apercevait sa propre image, l'image d'un homme à qui il n'arriverait jamais rien. Il regarda le jardin inculte, la maison délabrée, le bois de chêne, qui s'emplissait d'ombre. C'était bien l'endroit où il aurait dû trouver la comtesse Olenska, mais elle était loin. L'ombrelle rose même n'était pas la sienne. Il dit en hésitant, « Vous ne savez pas à quel hôtel votre cousine est descendue. Je dois aller à Boston demain. Peut-être pourrais-je la voir ?»« Ce sera très aimable à vous. Elle est descendue à l'hôtel Parker. Ce doit être terrible par cette chaleur. » Archer n'eut plus qu'une conscience vague des propos qu'ils échangèrent encore. Il se rappela seulement avoir résisté aux instances de la jeune fille, qui le priait d'attendre le retour de sa famille et de rester à souper avec eux. Enfin, toujours accompagné de Miss Blenker, il quitta le domaine du Cupidon de bois, détacha ses chevaux et s'en alla. Au détour de la route, il vit Miss Blenker debout près de la grille qui agitait l'ombrelle rose.